Antoine Mabele mokonzi, mabele mokonzi oh. Oh, tene mafuta akena yeo, atiki bana oh. Oh, abeba polo akena yeo, atiki bana oh. Oh, oh, keila nzambe oh. Keila nzambe oh, keila nzambe oh. Monkango Loisa eh, abwa son zeme Yampuka, Yampke, Yampuka Lansage au Minasoko. Abel Mitterrand, Charlie Manzambi, il est bon boyo, on met ma lana pierre foncé. Yampuka, Yampke, Yampuka, Yampke, il a un tas d'hommes dans le soupeau.